J'aime le thème des amants magnifiques. Quand de belles âmes de spécimens en quittent, forment au gré d'une réaction chimique un bel atome.